présente deux guitares héros qui vont te... essayer avec une batterie normale. Sur le 80, là. 87. 87, c'est précis, mon ami. C'est très précis, vous voyez. C'est pas 85, c'est 87. 87 au compteur. Ça va, Vaniche? Tu suis? Donc sans batterie. Thank you. We'll be right back. Jouer sur un truc qui tourne déjà parce que je sais bien que c'est pas le, c'est le batteur Led Zepp mais ça fait trop le bordel quoi. C'est dommage qu'on peut pas se la faire avec une batterie. We'll be right back. trop de disto. Ça va mieux là? Trop de disto. Et, écoute ma gratte, moi j'ai pas de pédale de disto. Moi c'est juste un ampli quoi. Quand je suis à 6, elle sonne clair. T'entends? Elle sonne clair ma gratte. Quand je monte le volume de la guitare, ça part en overdrive, c'est tout. Bah, mais putain, faut entendre le son des cordes. Là, ta disto, elle cache tout là. Le son de Deep Purple, il joue avec sur du Marshall. Hein. Foutez-moi ces putains de pédales de merde à la poubelle, les mecs! Ouais. C'est ce que je te disais, Phil, tout à l'heure, que je joue du Malsim, que je joue du Deep Purple, du Led Zeppelin ou n'importe quoi d'autre, même du jazz, j'ai toujours le même ampli. C'est une question de volume, je baisse le volume de la guitare, la gratte est claire ou elle n'est pas claire, et donc c'est avec le volume de la guitare. Ma pédale d'effet, c'est mon volume de guitare. Non. Je t'entends pas, Phil. Hein. Les attaques, c'est là toute la différence avec la disto, tes petites attaques, tes petits couinages, ça sort pas. Toi, je trouve. Sur le Marshall, sur un JTM 45, t'avais pas de reverb. Il y en avait quand même, sur exemple, ici. T'avais pas de reverb, c'était les salles qui réverbéraient. Ouais, René, il cherche. Mais par contre, Google. T'entends, là, quand je fais les petites notes, que je joue du Mediator, t'entends les attaques, t'entends les petits couinements, les petits machins. Une période de 10 sautes, en fait, je vais faire ça. Trop de reverb, j'aime pas. Bah là, j'ai viré pour te faire plaisir, hein. René. J'ai viré la reverb, hein. C'est la reverb. Ouais. René, arrête, on t'entend pas. René, René, t'es vraiment loin. Bilos, t'es fort, toi, non? Ah non, ça va mieux, là. Mais René, il est loin. Il est où, René? René, t'es sur le micro manche. New York avec toi. Ça ressemble à téléphone. Milos, il m'a appris quand t'arrives pas, tu me fais des sons. Non, c'est Pretty Woman ça. Thank you. ce smartphone. Thank you. about the New York City blues. How you feeling, good? René, t'as deux canaux. Alors, si je mets... C'est un son stéréo, là. Alors, ça donne. On m'entend ou pas? Il y a un 2, un 2. Yes. Bon, alors on improvise quelque chose ou. Ouais. Mais ma guitare en fait. Oui. Faut savoir si on m'entendait en fait. Si mon son. En fait, j'ai remarqué qu'il faut. De décibels, Philippe, je dépasse pas les. Faut régler les pontées là, je crois. Là, je crois. C'est moi, Vanish, qui parle. Faut régler les pontées. Ouais, je veux savoir si mon son ne sature pas trop au niveau la gratte. Thank you. Ah, mais elle rentre pas dans la roue. Attends, j'enlève ma batterie. Elle est trop petite. Bon, les gars, moi je vais vous laisser parce que. J'ai pas de guitare à réparer. Thank you.